Chapitre 10e. Le coupon que Titoloff avait apporté était le meilleur de tous. C'était une loge de barrière contre la sortie des écuries. On y avait la première vue sur les merveilles de M. Boutor, y compris les singes et les chiens. Un affreux vent coulis y arrivait, il est vrai, toutes les fois qu'on ouvrait les portes intérieures, mais nulle rose n'est sans épines. Un autre fâcheux eut peut-être allégué qu'on y recevait beaucoup de sable jeté par les pieds des chevaux. Mais quand on va au cirque, n'est-ce pas, pour avaler de la poussière? Dans ce temps-là, lointain hélas, les dames et les messieurs qui s'enlèvent les uns les autres à la force du poignet ou de la mâchoire jusqu'au comble de l'édifice n'étaient pas encore à la mode. On n'y voyait pas beaucoup de Péruviens, dansant 40 pieds de hauteur sur un fil de fer imperceptible. Nul voltigeur aérien n'y passait d'un trapèze à l'autre, en faisant pousser des cris d'effroi aux dames d'en dessous qui craignent probablement qu'ils ne leur tombent sur la tête. Les cirques de cette époque montraient beaucoup de chevaux, de chiens, de singes, voire même un éléphant, gros comme un bœuf, ce qui prouvait, dans l'ordre inverse, un rare mérite, cet éléphant étant le plus petit des géants connus. On ne voit pas trop ce que le public y perdait. La décence y gagnait peut-être, mais ce qu'elle gagnait là, elle le perdait sans doute ailleurs, car le cirque était considéré comme un endroit périlleux, presque immoral, où les demoiselles ne venaient guère au-dessous de 10 ou 12 ans. On donnait tout exprès des matinées enfantines auxquelles les jeunes filles pouvaient assister. L'arrivée d'une famille honnête et peu accoutumée aux façons du lieu, dans une loge ordinairement occupée par la haute bicherie, fit un léger brouhaha, et 50 lorgnettes se braquèrent sur Antonine. Elle rougit comme sous un affront, mais se remit bientôt et s'abandonna à l'admiration générale avec une grande indifférence. Le vent coulis soufflait sur ses épaules presque nues. Elle occupait naturellement la meilleure place, c'est-à-dire la plus rapprochée de la barrière. Elle avait tourné le dos aux écuyers, et de temps en temps un frisson passait sur elle. « Tu as froid ?» lui dit sa mère, en voyant des alternatives de rougeur et de pâleur marbrer le visage de la jeune fille. « Non, maman, je suis très bien. » « Mettez-lui cela sur les épaules, Monsieur Titoloff, » dit Madame Karzoff en lui passant un léger mantelet. « Il ne faut pas oublier qu'elle vient d'être malade. » Titoloff arrangea gracieusement l'objet sur les épaules de la jeune fille, qu'il remercia et continua à lorgner la salle. Au bout de 3 minutes, le mantelet avait glissé derrière la chaise. À l'entracte, Titoloff offrit des glaces. À part le vent coulis, il faisait horriblement chaud dans la salle trop éclairée et trop remplie. On accepta les glaces, et Antonine en redemanda. « Elle va se faire passer pour gourmande, » pensa la mère en lui faisant les gros yeux. Mais Antonine ne comprit pas le langage muet de ses yeux redoutables et se fit apporter une seconde glace. « Est-ce que ce n'est pas imprudent ?» demanda Madame Karzoff. « Non, maman, » répondit la jeune fille qui s'était dépêchée de finir. Elle tendit son assiette vide à Titoloff et se remit à ses observations. La sortie du cirque est toujours très encombrée et l'ordre se fait lentement. Dans les 3 boyaux de planches où se pressait la foule, l'air froid arrivait du dehors chaque fois qu'on ouvrait la porte de la rue, et on l'ouvrait incessamment. Les messieurs étaient allés chercher leur voiture de louage et ne pouvaient parvenir à la trouver dans ce tohu-bohu d'équipage qui, paraît-il, doit se reproduire à la sortie de tous les théâtres imaginables. « C'est le ciel qui me favorise, » pensa Antonine, et elle laissa glisser de ses épaules la pelisse fourrée qui les couvrait, et sous laquelle elle avait déjà eu le temps d'étouffer. « Que fais-tu ? » lui dit sa mère en se retournant tout à coup. « Ta pelisse s'en va, tu vas t'enrhumer, remonte-la. »« Oui, maman, » répondit Antonine. Un instant après, la pelisse était retombée. Une main énergique la replaça sur les épaules de la jeune fille, qui fit un brusque mouvement. Elle rencontra les yeux de Dournoff, qui ne la perdait point de vue depuis 1 heure. « Tais-toi, » dit-il tout bas, « merci pour ton message. » « Va-t'en, va-t'en, » chuchota Antonine, pendant que sa mère, haussée sur la pointe des pieds, cherchait à démêler le visage de son mari ou de son futur gendre parmi ceux qui se présentaient incessamment à la porte. « Ne puis-je rester un peu ?»« Non, non, va-t'en, » répéta Antonine avec angoisse. « Pas ici, pas maintenant, va-t'en. » Il lui pressa la main et se perdit dans la foule. Aussitôt la pelisse retomba des épaules glacées de la jeune fille. Par instant, elle sentait un frisson mortel la secouer de la tête aux pieds. Une sorte de chatouillement étrange lui serrait la poitrine. Elle ouvrit la bouche pour respirer, et l'air glacé entra largement dans ses poumons. « C'est cela !» se dit-elle avec une joie funèbre en sentant la fièvre la parcourir tout entière. c'est la mort clémente qui vient me délivrer. « Les voici !» cria Madame Karzoff en se précipitant vers la porte. « Suis-moi, Nina !» Il s'écoula encore quelques minutes avant qu'ils fussent casés dans leur voiture. Ils partirent enfin. Antonine se retira sur le champ dans sa chambre, prétextant la fatigue, et trouva sa Niania qui l'attendait. « J'ai vu ton ami, » dit-elle. « Il était bien heureux. Il est allé au cirque. « Je le sais, je l'ai vu, » répondit Antonine. « Quelle voix singulière tu as ?» dit la Niania effrayée. « Comme tu es rouge, est-ce que tu n'as pas pris froid ?»« Moi, quelle idée ? Va me chercher du thé. » La Niania revint avec une tasse de thé bouillant que la jeune fille but d'un trait. « Tu vas te brûler !» fit observer la vieille servante. « Ah !» dit Antonine en riant. « Quel trembleur vous êtes ! Tu vas te brûler, tu vas t'enrhumer. Entre le froid et le chaud, n'y a-t-il pas de milieu ?» La Niania regarda d'un œil scrutateur son enfant de prédilection. « Je ne sais pas, » dit-elle lentement, « ce que tu médites, ma fille, mais ce n'est pas ton ange gardien qui t'a soufflé tes pensées aujourd'hui. » Antonine passa son bras autour du cou de sa vieille bonne. « Vois-tu, Niania ? » dit-elle. « Je n'aime au monde que deux personnes. Dournoff et toi. Souviens-toi de ces paroles. »« Hé, ma chérie !» fit la Niania en la regardant avec tendresse et reproche tout à la fois. « Tu ajoutes un péché à un autre ? Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Tu honoreras ton père et ta mère pour que Dieu te donne une vie pleine de jours ?» Antonine sourit. Ce sourire énigmatique ne fit que passer sur son visage. « Va souper, ma bonne, » dit-elle. « Je me mettrai au lit seule. Tu viendras ranger ma chambre après souper. » La Niania obéit. La porte était à peine refermée sur elle, qu'Antonine donna un tour de clé et courut à la fenêtre. La moiteur occasionnée par le breuvage brûlant perlait ses fines gouttelettes sur son front et sur ses tempes. Elle rejeta sa robe sur son lit et se tint debout, les épaules et les bras nus, frissonnant sous le vent glacé qui s'engouffrait dans le store relevé comme dans la voile d'une barque. Elle resta longtemps ainsi. De temps en temps, elle frissonnait. Une pâleur de cendre se répandait sur son visage, mais elle absorbait douloureusement l'air mortel avec la fermeté d'une martyre. Quiconque eût dit alors à la jeune fille que le suicide est un crime l'eût trouvée sourde. Elle ne voulait plus vivre et ne voyait pas plus loin. D'ailleurs, la mort qu'elle avait choisie serait lente à venir. Elle avait le temps de se repentir et de demander pardon à Dieu de sa faute. Une horloge sonna minuit dans la pièce voisine. Antonine ferma la fenêtre, rouvrit la porte et se coucha tranquillement. À peine était-elle au lit que sa mère entra. « Qu'il fait froid ici !» dit-elle, en serrant autour de son cou un châle jeté sur ses épaules. « Tu ne fais pas s'échauffer, Nina. Ta chambre est une véritable glacière. Te sens-tu bien ?»« Très bien, maman, merci, » répondit la jeune fille. « Tu étais très jolie ce soir. Voilà comment ils font t'habiller, et non comme une religieuse. Monsieur Titeloff était enchanté de ta beauté et de ton amabilité. Je vois que tu es une bonne fille, malgré tes petits caprices. Bonsoir. » Elle se pencha sur sa fille pour l'embrasser. Tout à coup, les deux bras d'Antonine s'enlacèrent autour de son cou. « Vous m'aimez pourtant, maman ? » dit-elle d'une voix émue. « Certainement, je t'aime. Est-ce que cela se demande ?» Antonine ne répondit pas. Son étreinte se resserra et l'embrassa sa mère sur la joue. « Bénissez-moi, maman, » dit-elle à voix basse. Sa mère la bénit, lui fit encore quelques caresses et la quitta. La Niania rentra aussitôt sur la pointe du pied. « Eh bien, ma colombe, tu as fait la paix avec ta mère ?»« Oui, la paix éternelle, » répondit Antonine. « Que tu as d'étranges paroles, Dieu seul peut te comprendre. Dieu seul, » répéta Antonine, rêveuse. Une rougeur fugitive montait par moments à ses joues. Des tressaillements involontaires parcouraient son corps et faisaient onduler la couverture. La Niania regarda son enfant avec une persistance qui lui fit détourner les yeux. « As-tu sommeil, Niania ? » lui demanda-t-elle pour détourner son attention. « Non, » répondit la vieille femme. « Moi non plus. Assieds-toi là, » elle indiquait le pied de son lit, « et raconte-moi quelque chose. »« Et que veux-tu que je te raconte ? » fit la Niania, en s'asseyant sur le bord de la couchette étroite et basse. « Une vieille servante comme moi n'a rien à dire à personne. »« Comment rien ? Il ne t'est jamais rien arrivé ? Rien qui vaille la peine d'être répété. »« Ce n'est pas possible, » répondit Antonine. « Je ne sais même pas si tu es fille, femme ou veuve. Il faut pourtant qu'il te soit arrivé quelque chose, quand ce ne serait que de te marier. » La Niania hocha deux ou trois fois la tête d'un air mélancolique. « Je me suis mariée, » dit-elle, « mais ce n'est pas intéressant. » « Raconte-le-moi tout de même, je t'en prie. » Non sans hésiter, la Niania prit le coin de son tablier et se mit à le rouler lentement comme font les filles de la campagne quand elles parlent, et commença son histoire à voix basse.